résumé. Envie une époque de couilles de rat. Ouais. Hier, j'étais au téléphone avec mon ami, le docteur Mang. Vous savez pas ce qu'il m'a dit, l'ami bridé du caducée? Qu'un de ses clients est en train de devenir fou et qu'il faut que j'aille immédiatement le voir pour essayer de le raisonner le son malade. Je me rends donc chez mon ami du côté de Los Angeles. Ah, comment ça va, vieux Niakwe? Oh, je suis très content de te voir, Helmut, mon ami qui parle fort. Alors, c'est quoi ce problème? J'ai un de mes patients, une star de la pop musique, est en train de devenir ma boule. Mais, ça fait déjà des années que je l'ai blanchi et aujourd'hui, on atteint un seuil critique. Tu utilises quoi comme méthode de blanchiment? L'acide, le papier de verre, le rabot, la javel, ou bien l'urine de l'huître? Le papier de verre. Ouais, moi aussi j'utilise ça. Bon, c'est qui ton lascar? Bon, là, dans le pièce d'à côté, je vais te le présenter. Attention, Helmut, c'est une superstar très susceptible. Tu connais mon tact, vieux minem du Mekong. Mon petit Helmut, je vous présente Michael Jackson. Hello. Ah! D'où Jésus! Que la vulve du Kaiser me serve de chapeau! Quelle horreur! On dirait E.T. Reprends-toi, Helmut. Alors, comme ça, on va se faire encore blanchir. Oui, je vais avoir une peau aussi claire que Blanche-Neige. Oui, c'est bon, je sais que ça te plaît de dormir avec des individus de petite taille et que les nains, ça fait un peu enfant. Mais de là à vouloir ressembler à l'anorexique de Walt Disney, je comprends pas. Non, mais moi, en fait, ce que je veux que le Dr. Wong et Mang, ils me... Attends deux secondes. Elephant Man, tu viens de faire tomber ton pif par terre. Tiens, remets-le. Thank you. Oui, je veux que le Dr. Mang fasse de moi une femme blanche et pure. Deux secondes, Quasimodo. Faut que je parle au Niakwe. Dis-moi, Mang, c'est vrai cette histoire de femme blanche? Oui, c'est ça le malheur. Je ne veux pas être le responsable de la disparition du roi de la pop. Oui, mais peut-être qu'en femme, il deviendra la reine de la pipe. Ah, oh. T'en veux pas vous ça comme ça. Tu vas te faire un pognon, mon Mang. Oh, écoute-moi, face de fion. Le docteur Mang, il va te faire une petite opération pour que tu deviennes Blanche-Neige. Calme-toi, Dracula. Mais une condition. Finis les opérations pour te blanchir la peau, hein. À partir de maintenant, tu te maquilles au Tipex. Ok, un pair de jeans, c'est pas une green. Merci Helmut, t'es vraiment le meilleur. Je sais, je sais. Et voilà comment ça s'est passé, mes amis. Une fois de plus, un succès pour moi. Bon, je me sauve, je dois aller voir Vaïd, l'entraîneur du PSG. Ah, oh, il a lu le guide du management de mon cousin Gunther. Et maintenant, il veut le rencontrer. Ça promet. Auf Wiedersehen.